sweet, do you? Cool. Le micro, ce serait mieux. Alors je répète, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 486C. C'est pour couvre-feu, parce qu'on ne peut toujours pas aller à la radio à cette heure-là pour 20h. C'est le home recording numéro 27 et la diffusion, ce sera pour le 3 mars. Oh, est-ce vrai? Oui, je crois, pour le 3 mars. Donc j'espère que tout se passera bien. C'est un spécial George Harrison, puisque quelques jours auparavant, le 25 février pour être exact, c'était l'anniversaire de sa naissance. Donc on a décidé ici à la saga de faire un spécial avec des invités. Un spécial George Harrison. Il est né le 25 février 1943. D'ailleurs, il a découvert assez tard dans son existence qu'il serait peut-être né le 24 un petit peu avant minuit. Quelques minutes avant le 25 février, voilà. Bref, il est mort malheureusement le 29 novembre 2001 à Los Angeles. Et maintenant que je commence à prendre de l'âge, puisque j'ai 57 ans cette année, il est mort à 58 ans. Et je trouve que c'est quand même drôlement jeune pour partir, voilà. Et c'est un auteur, compositeur, interprète, producteur de cinéma. Il a joué de la guitare, de la basse, du ukulélé, du sitar, du piano, du clavier, du tambourin, du Swar Mandal, je suis pas trop sûr de moi, mais enfin, c'est comme ça. C'est surtout depuis 1958, il a fait partie du meilleur groupe du monde. Il était à ses débuts en 1958, les Beatles forcément. C'était lui le guitariste leader et il s'était fait bien renommé pour ses harmonies vocales. Oui, il y arrivait très très bien. Il a commencé à composer à partir de 1963, plus ou moins. Il a fait un truc avant, Cry for a Shadow, mais c'était un instrumental. L'influence de Harrison dans la musique des Beatles va croissant au fil des années. Il est tout d'abord le guitariste solo, je l'ai dit, mais il a introduit la spiritualité, la musique, les instruments indiens dans l'univers musical des Fab Four. Pour le reste, on verra ça un petit peu plus tard, puisque le générique se finit. Et on va commencer par My Sweet Lord, mais peut-être pas la version que vous vous attendez, la version démo de My Sweet Lord, extrait de Early Takes, volume 1. My Sweet Lord. My sweet Lord, my avouer, c'est bien aussi. C'est bien aussi comme ça, oui. My Sweet Lord, à l'instant, dans la saga des Fab Four, c'est jusqu'à 22h, à peu près, sur RIG 90.7, www.rigfm.fr, et vous nous retrouvez, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Évidemment, quand on parle de George Harrison post-Beatles, on est obligé de passer par l'album All Things Must Pass, et cette chanson, Isn't It a Pity, c'est sur RIG, c'est dans la saga des Fab Four. We'll be right back.

George Harrison savait faire des reprises à la sauce George Harrison, parce que cette chanson n'est pas de lui, elle est de Cole Porter. Et si vous écoutez l'original, eh bien, il l'a transformée et il en fait une chanson très très sympathique. Le clip est à mourir de rire. C'était en 1976 sur l'album 33 and One Third. Auparavant, il y avait une superbe ode à Olivia, sa femme. C'était Dark Sweet Lady, pardon, j'allais dire My Sweet Lord, non, aucun rapport, sur l'album George Harrison en 79, et qui avait été précédé par Isn't It a Pity, justement sur l'album All Things Must Pass, Je Retombe Sur Mes Pieds. Et on a débuté avec My Sweet Lord. On a fait le tour, il est maintenant obligatoire de penser à notre ami Lovely Rita qui dirige le Beatles Magazine, parce que c'est le meilleur moyen de tout savoir sur les Beatles. Écoutez, qui est Lovely Rita ? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur beatlesmagazineuk.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. We'll be right back. George Harrison et ses amis, puisque nous étions en 1987 au Prince's Trust Rock Gala, et avec comme invité spécial, par exemple, un pote à lui, un certain Ringo Starr à la batterie. Ça, c'est la nouvelle version de l'album All Things Must Pass, on l'attend impatiemment, c'est sans Phil Spector, le producteur. Et c'est très très bien, ça donne un côté naked super bien. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love's up and has left you with no warning. It's not always gonna be. Fab Four numéro 486 C, spécial George Harrison. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Smiles returning to the faces. est-ce qu'on a besoin de présenter cette chanson « Here Comes the Sun » en 1969 sur l'album Abbey Road. George Harrison a eu son influence sur les Beatles aussi. C'est lui qui a introduit donc la musique hindoue avec des chansons comme « Love You Too » qu'on écoutera tout à l'heure, enfin du sitar en règle générale. C'est lui aussi qui s'est intéressé au synthétiseur Moog qui a commencé à en mettre dans la musique rock. Je pense que sur « I Want You », il doit y avoir un synthétiseur Moog et quel bel effet. Il a eu de très très bonnes idées et surtout, il devenait de plus en plus influent, de plus en plus bon dans ses compositions, comme Here Comes the Sun qu'on vient d'entendre à l'instant, et il n'avait que deux chansons à chaque fois, maximum, une par face au cours des albums qui arrivaient depuis le début d'ailleurs. Et ça le vexait beaucoup et ça l'embêtait beaucoup. Donc, George Harrison ne se sentait plus bien avec les Beatles. Il est une seule des raisons pour lesquelles les Beatles se sont séparés, parce qu'il n'avait pas assez de place. Les deux grands, Lennon et McCartney, ne lui en offraient pas assez. Et c'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Et après la séparation, il a fait de très, très, très belles chansons, à commencer par l'album All Things Must Pass. Mais il était bon, je vous l'ai dit aussi en début d'émission, dans les reprises. En voici un autre exemple. Baltimore Orioles sur l'album Somewhere in England en 1981. Baltimore Orioles, take one look George Harrison aurait eu 78 ans cette année, puisqu'il est né en 1943, le 25 février, et nous lui rendons hommage à la saga des Fab Four avec cette saga uniquement consacrée à George Harrison, que ce soit lui qui chante, ou qu'il ait fait des reprises, ou qu'il ait donné des chansons à d'autres, c'est tout est lié à George Harrison. Et j'espère que ça vous plaît, en principe oui. Et je vous propose de retrouver le côté indien, hindou, de George Harrison avec deux chansons. Love You Too, qui faisait partie d'une chanson d'un album des Beatles, c'est ce que je voulais dire, et Dehradun, qui est un inédit, qui n'est jamais vraiment sorti, mais que nous, à la saga, on a. Hein, alors, chut, on y va. Looking at the sights, many others with their troubles, looking for their rights. Them move along the road in search of life divine. Beggars in a gold mine. Da-da-da-da-doom, da-da-doom, doom. Da-da-da-da-doom, da-da-doom, doom. Da-da-da-da-doom. Da-da-da-da-doom, da-da-doom, doom. Da-da-da-da-doom, da-da-doom. Many roads will take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. Da da da doom, da doom, doom, da da da doom, da doom, doom, da da da doom, da doom, doom, da da da doom. Da da da doom, da doom, doom, da da da doom, da doom, doom. Le premier invité de cette spéciale George Harrison, c'est son copain de toujours, Eric Clapton, tellement copain qu'il lui a piqué sa femme. Il a écrit une chanson en 1979 qui s'appelle Love Comes to Everyone, et en 2005, sur son album Back Home, Eric Clapton a repris cette chanson. Voici la version de Eric Clapton. Les apparitions sur scène de George Harrison après la séparation sont relativement rares. Pas trop quand même, mais quand même. En 1971, c'est lui le premier qui a conçu le gala de bienfaisance rock pour le concert for Bangladesh, par exemple. Eh bien, c'est lui le premier. Oui, oui, tout à fait. Il est aussi apparu dans les Prince's Trust. Il a fait un concert, enfin plutôt une tournée d'Amérique, plutôt pas très très bonne parce qu'il avait attrapé une angine, je crois, quelque chose comme ça. Et la voix était rauque en 1974 aux États-Unis, donc. Et en 1991, aidé par son pote Eric Clapton, il a fait une tournée au Japon, dont on a un exemplaire live in Japan, qui est absolument fabuleux. Je vous propose exprès pour vous, mais n'en dites pas trop, ne les brutez pas. C'est In My Life, chanson des Beatles, chantée par George Harrison en 1974. Je l'ai. Thank you.

long, long time ago. Afterwards kicked the can. That's when Mr. Yao became the number one. So if you're ready to get happy, you can meet your sister. Tell you, look out, brother, he's got the hottest girl in town. Parce que la deuxième partie de la musique que vous venez d'entendre n'est pas extraite du même album, c'est extrait de Wonderwall Music en 1968, ça s'appelle Drilling Home. C'est la première tentative solo, quelque part, de George Harrison, puisqu'il avait écrit la musique d'un film sans ses compagnons, et déjà en 1968. Nous allons faire un petit tour du côté des collaborations de George Harrison. Nous allons écouter avec Carl Perkins en 1986, si ma mémoire ne me fait pas défaut, même si l'album est paru en 2006. Glad All Over avec Carl Perkins, par exemple. Il y aura également en 1976 Homeward Bound chanté avec Paul Simon. Et puis on parlera des Traveling Wilburys. Mais ça, c'est juste après ces deux chansons qu'on commence maintenant dans la saga des Fab Four numéro 486. C'est le Home Recording 27

Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Sat Singing, chanson rejetée de l'album Summer in England par les producteurs. Et heureusement qu'on l'a eu cette chanson-là, parce que ça aurait été drôlement dommage. Tout comme la suivante, elle est quand même parue en phase B d'un 45 tours, je ne sais plus lequel, mais c'est Lay His Head. Écoutez cette chanson, comment passer à côté ? said. Zag, un quasi instrumental, on va pas chipoter, de George Harrison, qui est revenu sur l'album Cloud Nine en 1987. À l'origine, il n'y était pas. Dans quelques minutes, un petit paquet de minutes, ce sera un peu plus ou moins une vingtaine de minutes, parce que quand on enregistre et qu'en plus derrière il y a un podcast, je ne suis pas sûr de moi au niveau du comptage. Ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z. Pour l'instant, mon amour appartient à la personne qui pourra le voir, cet amour-là. Thank you. belle chanson. C'est en 1973 sur l'album Living in a Material World. Vous êtes à l'écoute de la saga des Fab Four numéro 486C sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr. Et voici une chanson que je n'ai jamais passée, et pour cause, ce n'est pas George Harrison qui chante, mais c'est lui qui l'a composée, cette chanson-là. Voici That Kind of Woman sur l'album Still Got the Blues de Gary Moore en 1990. Her eyes won't tell, her lips are sealed, and I like her like that. She's kind of crazy. That kind of woman. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? ce que va devenir cette chanson une fois déspectorisée dans l'album apparaître en 2021, l'album All Things Must Pass, sur lequel, sur la pochette, George Harrison est toujours dans son jardin, toujours entouré par ses nains de jardin, mais il lève le bras et il a un parapluie au-dessus de sa tête. On reste sur le même album une dernière fois. The Ballad of Sir Frankie Crisp. Let it roll, c'est toujours All Things Must Pass. Cette émission avec Carl Perkins et ses amis, et notamment donc justement George Harrison, qui chante Blue Suede Shoes dans la saga. Well, it's a one for the man, a two for the show. I tell you to get ready now, go ahead, go. Drink my liquor from a whole fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off them shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but lay off my blue suede shoes. Yeah, rock it, man. 1955. C'est tout, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Eric, c'est à toi quand tu veux. Et à très bientôt, les filles et les garçons. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four, enregistrée à la maison, mais diffusée sur RIG 90.7 pour la FM et www.rigfm.fr pour le reste du monde. À très bientôt, salut.